La gratitude est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous mesurons la saveur de ce que nous vivons. Différentes études ont démontré que pratiquer la gratitude quotidiennement permet de nous réconcilier avec la vie en nous rendant plus heureux, plus vivants, plus reliés aux autres. Elle nous permet de déplacer notre attention sur ceux qui nous entourent plutôt que sur nous-mêmes. Elle augmente notre espérance de vie, la qualité de notre sommeil, la force de notre détermination. Elle permet également de réduire le stress et les risques de dépression. Avec cette méditation, je vous propose de plonger au cœur de vous-même pour prendre conscience de la saveur de votre vie. Installez-vous confortablement et si vous le souhaitez, joignez les mains l'une contre l'autre à la hauteur de votre poitrine. Fermez les yeux pour être au plus près de vous-même et posez votre attention sur toutes les zones de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Notez tout ce qui rentre en contact avec votre peau. Vos vêtements, le sol, la chaise, le coussin ou le tapis sur lequel vous reposez, l'air qui caresse votre visage et les parties dénudées de votre corps. Soyez curieux de tous ces petits détails qui passent habituellement inaperçus. Dans cet instant de calme, notez comme il est agréable de pouvoir se retrouver avec soi. Comme l'air qui vous caresse est doux. Comme c'est confortable de ressentir la chaleur de vos vêtements. Comme vos muscles se détendent un peu plus à chaque respiration. Vous profitez pleinement de cet instant présent et cela vous apporte du bien-être. Lorsque vous serez prêt, je vous invite à revoir tout ce que vous avez vécu dans la journée et à y rechercher quelque chose ou quelqu'un à remercier. Il peut s'agir de la chaleur d'un rayon de soleil sur votre visage, d'un café pris avec une amie, ou d'une image qui vous a fait sourire. Quelle que soit la journée que vous avez passée, il y a forcément un petit détail qui mérite votre reconnaissance. Soyez simplement ouvert à ce que le monde vous a apporté aujourd'hui. Respirez profondément tandis que vous revoyez le film de votre journée. Prêtez attention aux toutes petites choses. Et prenez le temps de vous en émerveiller. Alors que vous avez fait le point sur votre journée, peut-être avez-vous été surpris de toutes les petites ou les grandes raisons que vous aviez d'être reconnaissant aujourd'hui. Mais il est également possible que votre mental joue au jeu du « oui mais ». Il est toujours bien plus simple de relever ce qui s'est mal passé, ce qui nous a mis en colère, ce qui nous a frustrés. La gratitude invite à l'équanimité, cette faculté à rester imperturbable devant les événements, à considérer que tout est juste et approprié. Focalisez votre attention sur le positif, aussi petit soit-il. Un sourire croisé, une musique que vous aimez passer à la radio, une bonne nouvelle reçue peut-être. Je vous invite maintenant à élargir votre champ de conscience en posant un regard sur votre vie en général. Cherchez de nouveau quelqu'un ou quelque chose à remercier. Votre famille, vos amis, vos connaissances, peut-être même quelqu'un avec qui vous avez des difficultés ou avec qui vous en avez eu. Chaque médaille a son revers, et même dans l'obscurité, une lueur peut apparaître. L'amour de vos proches, les conseils d'un ami, la chaleur de votre foyer, les rencontres qui ont changé votre vie. Il peut être très difficile d'éprouver de la reconnaissance et de la gratitude, en particulier lorsque nous traversons des épreuves. Les bouddhistes considèrent les difficultés comme une source d'enseignement utile à l'évolution spirituelle. C'est la nature même de la vie que d'être changeante et d'alterner des périodes de sérénité et de bouleversement. À chaque fois que vous refusez une situation, un changement, vous créez une tension. Ne résistez pas à votre environnement, ne cherchez pas à le changer. Accueillez simplement les choses telles qu'elles sont et interrogez-vous. Quelles leçons pouvez-vous tirer de vos difficultés? Ne vous ont-elles jamais offert d'opportunités? Recentrez-vous sur le positif de votre vie et respirez profondément. Focalisez votre attention sur tout ce que vous possédez. Une fois de plus, il est possible que votre mental vous joue des tours et vous attire vers ce dont vous pensez manquer ou ce dont vous pensez avoir besoin pour être heureux. Le problème n'est pas ce qui vous manque, mais le désir que vous en avez. Un désir insatiable qui poussera toujours vers l'insatisfaction et vous éloignera de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Posez un regard bienveillant sur votre vie et prenez la mesure de tout ce qui vous entoure. En éprouvant de la gratitude chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes chaque soir avant de vous endormir, vous adoucissez le regard que vous portez sur votre vie, sur votre entourage et sur le monde. En cultivant cet esprit positif, vous attirerez à vous encore plus de raisons d'être reconnaissant et donc encore plus de bonheur et de bien-être. Lorsque vous vous sentirez prêt, reprenez doucement contact avec votre corps et avec votre respiration. Suivez le parcours de l'air qui entre dans votre nez. Chatouillez le fond de votre gorge et remplissez vos poumons. Soyez reconnaissant de pouvoir respirer si simplement et de pouvoir nourrir vos cellules. Soyez reconnaissant d'avoir pris le temps de vous connecter à vous-même en vous accordant ce précieux moment. Soyez reconnaissant de vivre en pleine conscience. À bientôt.